l'histoire de débile, le criant, le courir, les yeux dans le vide, le poing dans les airs, se tenant de billets, décrivant des zombies. Comme à chaque fois, il nous a tous fait peur, sautant de l'un enfant, frôlant des objets coupants. Paraît-il qu'il ne faut pas tenter de l'arrêter, le réveiller serait le mettre en danger. Il est avant de repartir, un grand lit pour deux, ça ferait moins cher. Une télévision servirait de lumière et sortit un instant et ramena des pierres si vite que je n'eus le temps de me satisfaire. Plus tard, dans celui qui a deux, nous sommes petits. Chacun notre tour, nous nous sommes endormis. Clairement, il y a cette chaleur, réalisant qu'il m'a pris en cuillère. Je ne sais plus quoi faire, tout simplement, j'espère qu'il est regardez être.